dit reste à ta place. Les acquis des nantis te dépassent. Le lit où tu es né t'interdit de viser plus haut. On a souvent ri de mon audace. La bif et le moine, quoi que tu fasses. Rampe au lieu d'espérer, tu n'es bon qu'à courber le dos. On est ce qu'on est, tu dis merci et c'est tout. Il faut s'incliner sans s'indigner jusqu'au bout. Soit tu n'es roi, soit tu n'es rien. Mais dis-moi, pourquoi ce chemin de croix? Je veux la croix à mes genoux. Je veux le monde ou rien du tout. Pas les menus plaisirs, pas les petits désirs, les privilèges. Je veux les plaies de l'amour fou. Je veux la corde à votre cou. Pas les menus plaisirs, pas les petits sourires, les sortilèges. On m'a souvent mis plus bas que terre. Ainsi soit la vie au nom du Père. Mais qu'ai-je donc appris si ce n'est ta prière par cœur? Faut-il implorer sans jamais toucher le ciel? Que je reste cloué sans déployer mes ailes? Amen à tout, n'amen à rien. Le sort, les lois, je ne m'y soumets pas. Ne me demandez plus de marcher droit. J'éprouverai vos torts, j'adore le chemin que je vois. J'enterrerai derrière moi l'idiot qu'on veut que je sois. Je veux la gloire à mes genoux. Pas les menus plaisirs, pas les petits désirs, les privilèges.